Tandis que Saint-Preux voyage sur la mer et que d'alarmantes nouvelles arrivent de l'expédition, Julie vit dans la plus parfaite union avec M. de Volmar. Elle en a de beaux enfants. Elle désire que son amie et cousine Claire vienne la rejoindre. « Ma douce amie, il faut achever. Et ce qui reste importe assez pour me coûter le plus à dire. Tu n'es pas seulement nécessaire quand je suis avec mes enfants ou avec mon mari, mais surtout quand je suis seule avec ta pauvre Julie. Et la solitude m'est dangereuse précisément parce qu'elle m'est douce et que souvent je la cherche sans y songer. Ce n'est pas, tu le sais, que mon cœur se ressent encore de ces anciennes blessures. Non, il est guéri, je le sens, j'en suis très sûr. J'ose me croire vertueuse. Ce n'est point le présent que je crains, c'est le passé qui me tourmente. Il est des souvenirs aussi redoutables que le sentiment actuel. On s'attendrit par réminiscence. On a honte de se sentir pleurer, et l'on n'en pleure que davantage. Ces larmes sont de pitié, de regret, de repentir. L'amour n'y a plus de part. Il n'aimait plus rien. Mais je pleure les maux qu'il a causés. Je pleure le sort d'un homme estimable que des feux indiscrètement nourris ont privé du repos, et peut-être de la vie. Hélas, sans doute il a péri dans ce long et périlleux voyage que le désespoir lui a fait entreprendre. Il n'est plus. Un secret pressentiment me l'annonce. L'infortuné n'aurait pas été plus épargné que tant d'autres. La mer, les maladies, la tristesse bien plus cruelle auront abrégé ses jours. Il manquait au tourment de ma conscience d'avoir à me reprocher la mort d'un honnête homme. Ah, ma chère, quelle âme c'était que la sienne! Comme il savait aimer, il méritait de vivre. Il aurait présenté devant le souverain juge une âme faible, mais saine, aimant la vertu. Je m'efforce en vain de chasser ces tristes idées. À chaque instant, elles reviennent malgré moi. Pour les bannir, ou pour les régler, ton ami a besoin de tes soins. Et puisque je ne puis oublier cet infortuné, j'aime mieux en causer avec toi que d'y penser toute seule. Mais Julie se rassure contre d'importuns souvenirs sur 6 années de mariage, sur son rang d'épouse et de mère, sur l'amitié de Claire, sur son mari, auquel elle finira bien par tout avouer. Sur quoi Saint-Preux annonce son retour. Et aussitôt, M. de Volmar l'invite à venir à Clarens. Julie vient d'ouvrir son cœur à son heureux époux. Ce nonobstant, il lui offre sa maison, et un post-scriptum de Julie montre que c'est elle qui l'a demandé.